Okay, Raph, ça va ou quoi? Ça se passe bien? Oui, il y a plein d'animaux partout. T'es où là? T'as réussi à rentrer? Il y a plein d'animaux. T'es où là? T'as réussi à rentrer? Il y a plein d'animaux. Ok. Et faire des histoires, des caprices, on n'en veut pas. Et faire des histoires, des crises, ouais, c'est pas pour moi. Et faire des histoires, des caprices, on n'en veut pas. Et puis des fois, faut lâcher prise. Et ça sera tout, tout, tout, le tout, tout, tout, tout, tout, le tout, tout, tout. Si c'est comme ça, ouais, ça sera tout, tout, tout, le tout, tout, tout, tout. Histoire des fins de crise, autant pour moi. Début de crise en fin d'histoire, c'est toujours comme ça. Si début de crise, y'a fin d'histoire, deux fois sur trois. Même si des fois, faut lâcher prise. Mais ça sera tout, tout, tout, le tout, tout, tout, tout, tout, le tout, tout, tout. Si c'est comme ça, ouais, ça sera tout.